بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد والأهل والصحبه ومن اتبعهم بإحسان اليوم الدين أما بعد أمس on avait pris la première partie du vers sur الإيمان باليوم الآخر le jour dernier le jour de la résurrection qui regroupe lui-même trois points. Premier, faut croire en la résurrection après la mort. Deuxième point, qu'il faut croire au fait qu'on va rendre des comptes et qu'on sera rétribué en fonction de nos actions. Troisième point, il faut croire au paradis et à l'enfer. Et justement, la foi au jour dernier englobe d'autres choses, tout ce qui a lieu après la mort, comme par exemple Fitnat al-Kobr, la question dans la tombe. Et également Azab al-Kobr au Na'imu, châtiment de la tombe ou ce délice en mesure de qui le mérite. Là, il va poursuivre en réfutant ceux qui renient justement ce qui se passe après la mort. Parmi les aqlaniyin, les gens qui font devancer leur raison sur les textes religieux. Qala rahimahullah ta'ala wa qad ankara al-kafirun al-bahth ba'd al-maut za'imina anna dhalika ghayr mumkin. Donc il dit justement les koufars, les mécréants, eux ils ont renié la résurrection après la mort, prétendant que cela n'est pas possible. Mais ça c'est pas chez les gens du livre. Les gens du livre, eux ils y croient à la base. Les vrais gens du livre, ils y croient à cela. Les autres non. Et encore moins les athées. Donc il dit que ça c'est une prétention qui est fausse et qui est réfutée par la législation et par la raison et par les faits. Il dit « Amma min ash-shar'a ». Les preuves de notre législation, qu'est-ce qu'elles démontrent ? Faqad qala ta'ala za'ama alladhina kafaru wa la yub'athu qul bala wa rabbi tub'athunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Que dit ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dit si ô mon Seigneur vous le serez, vous serez informé de ce que vous avez commis comme acte et cela est facile pour Allah. Et justement que tous les livres célestes, divins des communautés antérieures sont unanimes là-dessus. Il dit Wal-his, quant au fait, quand on dit his, on a expliqué c'était quoi ? C'est à la base qu'il y a au sens, les choses concrètes, les faits réels. On a constaté que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà montré à ses serviteurs qu'il pouvait leur rendre la vie en cette dunya. Et cela dans Surat al-Baqara, la Surat de la vache, dans 5 exemples, il en parle, qu'il a redonné la vie. Le premier exemple, le Qawm de Moussa, le peuple de Moussa. Lorsqu'ils lui ont dit, nous ne croirons pas en toi, tant que nous ne verrons pas Allah clairement. Donc Allah les a fait mourir, puis les a ressuscités. Lorsqu'Allah dans le Coran, il dit, « وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. » Lorsqu'il leur a dit, « Lorsque vous aviez dit à Moussa, nous ne croirons pas en toi tant que nous ne verrons pas Allah clairement. » Donc là, vous avez été pris par la foudre. La foudre vous a été foudroyé, on va dire. « Alors que vous regardiez, ensuite nous avons ressuscité après votre mort, afin que vous remerciez. » Donc, premier exemple. Deuxième, dans l'histoire de celui qui a été tué, parmi les bannis sur leur île. Et après, ils divergèrent qui l'a tué. Donc Allah leur a ordonné de prendre un bout de vache pour le frapper avec, afin que le mort revienne à la vie et leur dise qui l'a tué. Quand Allah Ta'ala, « وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَكُنَّا دَرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِلَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Le verset qu'on a cité auparavant là, sur lorsqu'ils ont été foudroyés, c'est le verset 53 à 56 sur l'autre de la vache. Si quelqu'un veut noter la faïda pour avoir les versets, ou au moins il connaît la référence. Et là, ce verset là c'est 72 à 73, par la vache. Donc si, lorsque vous avez tué une personne et que chacun cherchait à se disculper, à s'innocenter, Allah fera sortir ce que vous divulguez. Nous avons dit, frappez-le avec un bout de la bâche, comme ça Allah pourra rendre la vie aux morts. Et il vous montre de ces signes afin que vous raisonniez. Troisième exemple, dans l'histoire du peuple qui sortirent de chez eux, alors qu'ils étaient des milliers par peur de la mort. Donc Allah les a fait mourir, puis leur a rendu la vie. Allah Ta'ala, Alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut faqala lahum Allah mutu thumma ahyahum inna Allah ladhu fadlin 'ala an-nas walakin akthara an-nas la yashkurun. N'as-tu pas vu ceux qui sont sortis de leur maison par peur de la mort alors qu'ils étaient des milliers? Allah leur a dit mourez, puis il leur a rendu la vie. Allah est certes le détenteur de la grâce pour les gens, cependant la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Wahada, c'est le verset 243. Voilà, quatrième exemple dans l'histoire de celui qui est passé près d'une contrée qui était détruite. Donc lui, il lui paraissait impossible que Allah puisse lui rendre la vie, la rebâtir. Donc Allah l'a fait mourir 100 ans, puis lui a rendu la vie. Lorsqu'il dit أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فآمته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. Dans le sens Allah, il dit comme également celui qui passa près d'un village qui était détruit, il dit comment Allah va-t-il le rebâtir, le redonner la vie. Donc Allah l'a fait mourir 100 ans, puis le ressuscita. Il lui dit combien de temps tu demeurais, c'est-à-dire mort. Il a dit un jour, une partie du jour. Il dit plutôt tu étais mort durant 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson, elles n'ont pas changé, elles n'ont pas été altérées. Regarde donc ton âne, afin que nous fassions de toi un signe pour les gens. Et regarde ces os, comment nous les avons rétablis, puis nous avons recouvert de chair. Et lorsque cela lui fut éclairci, il dit je sais que Allah est capable de toutes choses. Verset 259. Cinquième exemple, dans l'histoire d'Ibrahim al-Khalil, lorsqu'il a demandé à Allah de lui montrer comment il faisait revivre le mort. Donc Allah lui a ordonné d'égorger quatre oiseaux et de les séparer sur des montagnes autour de lui. Et ensuite de les appeler et qu'ils viendront vers toi. Ces oiseaux viendront vers toi. Allah Ta'ala, « Wiskar Ibrahim, Rabbi arini kifatuhil mawta, qala wa lam tu'min » قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتيناك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Lorsque Ibrahim dit au Seigneur montre-moi comment tu fais vivre le mort, il dit n'as-tu pas déjà cru? Il dit si, cependant pour que mon cœur se rassure. Il dit alors prends quatre des oiseaux, apprivoise-les, puis coupe-les. C'est-à-dire égorgé-les et couplé. Et met chaque partie sur des montagnes différentes. Ensuite, appelle-les, ils viendront vers toi. Et sache que Allah est puissant et sage. Sache que Allah est puissant et sage. Donc, ils disent, ce sont des exemples. Pour nous, on y croit. Hein, de toute façon, en tant que croyants dans le Coran, on y croit. Vous voyez ? Et même sur ces versets-là, on sait que Allah est capable de rendre la vie aux morts. Et que cela ne lui est pas difficile. En tout cas, ce sont des faits qui ont eu lieu, qui démontrent qu'il est possible que Allah rende la vie aux morts. Également, ce fut le cas de Isa alayhi salam, ils appellent Jésus, qui a fait revivre les morts, a mis ses signes. Mais cela, il ne l'a fait que par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pas de lui-même. Voyez. Donc là, des exemples tirés justement de la législation du Coran qui démontre que Allah, subhanahu wa ta'ala, est capable de faire revivre le mort. ثم قال وأما دلالة العقل فمن وجهين. Quant aux preuves rationnelles, elles sont sous deux angles. Le premier, أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما خالقهما ابتداء والقادر على ابتداء الخلق لا يعجزه عن إعادته. قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. Donc que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et ce qui est entre les deux. Il a créé dès leur début. D'accord ? Dès leur début, à partir de rien, du néant. Donc le fait d'avoir créé une chose depuis son début, rien ne l'empêche de pouvoir la recommencer. Allah, dans le sens, il dit, il est celui qui a commencé la création et qui ensuite la remettra. Et cela lui est facile. وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. Comme nous avons commencé la première création, nous la rendrons, nous la remettrons. Et cela est une promesse sur nous. Et nous sommes tout à fait capables. وقال آمرا برد على من أنكر إحياء العظام وهو رميم قل من يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو. Donc il a dit, justement, en répondant à ceux qui n'acceptent pas le fait qu'ils puissent remettre les eaux alors qu'ils n'étaient pas en poussière, il a dit, Yani dit, rendra la vie celui qui les a créés la première fois. Il est connaisseur de toute la création. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le premier angle, que Allah qui a tout commencé, depuis le néant, peut tout recommencer s'il veut. Deuxième angle. An al-ard takun mayta hamida laysa fiha shajaratun hadara fayanzilu 'alayha al-matar fatahtazzu hadara uhayyatun fiha min kulli zawjin bahij wal qadiru 'ala ihya'iha ba'da mawtiha qadir 'ala ihya' al-amwat. قال الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Donc il dit justement, tu vois là, des fois la terre elle est sèche, déserte, morte, il n'y a plus d'arbres, plus de plantes, et qu'ensuite la pluie descend et là elle devient verte, elle se met à repousser, les plantes se mettent à repousser de toute forme de plantes. Donc celui qui a été capable de lui rendre la vie après la mort est tout à fait capable de le faire avec les vivants, avec les êtres humains, on va dire. D'accord ? Allah, dans le sens, il dit, et parmi ces signes qui vous montrent justement la terre aride, ensuite il fait descendre sur elle de l'eau qui la revivifie et par laquelle elle est cultivable. Et celui qui lui a redonné la vie, c'est-à-dire qui l'a rendu fertile à nouveau, est capable de faire vivre le mort. Il est certes capable de toute chose. وقال تعالى وانزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا فيه جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. Donc il dit, nous avons fait descendre depuis les cieux une eau mubarak par laquelle nous avons fait pousser des plantes ainsi que les terres ou les graines à cultiver et les palmiers, les tourne-palmiers. Et cela en guise de substance pour les serviteurs. Et il a rendu la vie à une contrée qui était morte. Donc là, Allah nous démontre encore dans ces versets, avec des exemples, d'accord, imagés, mais qui sont réels, à travers la nature. Comment il a fait. Donc s'il peut le faire pour un arbre, pour des oiseaux, ou pour d'autres choses, qu'en est-il de l'être humain. Et après, il dit que justement, il y a des gens qui se sont égarés par rapport au châtiment de la tombe. Ou ces délices, qui l'ont refusé, en disant que cela n'est pas possible, que cela s'oppose à la réalité. Car il dit, lorsque jamais on avait à creuser la tombe d'un mort, on retrouverait la tombe telle qu'elle est, ni resserrée, ni élargie, ni feu, ni rien du tout, on retrouverait le cadavre tel qu'il est. Donc comment cela se fait? Vous vous dites ceci et cela. Le Shir dit que là c'est une prétention justement qui est fausse, et qui est réfutée par la législation, et également par les faits et également par la raison. Il dit Ama shara faqad sabaqat an-nusus ad-dallatu ala thubut za'ab al-qabr wa na'imihi fi fakrat al-iman bil-yawm al-akhir. Donc là dit par rapport au shara, à la législation, les preuves ont déjà été citées précédemment dans la partie qui concerne la foi au jour dernier. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبرهما وذكر الحديث وفيه أن أحدهما كان يستطير من البول وفي الرواية من بوله وأن الآخر كان يمشي بالنميمة Donc dans le Sahih de Bukhari, dans le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de la Médina, et là il a entendu la voix de deux hommes qui se faisaient châtier dans leur tombe, chacun. Puis c'était le hadith. Il a dit, parmi les causes justement qu'on se faisait châtier, que l'un des deux ne se préservait pas de son urine, ou de l'urine, et que l'autre marchait avec la namima, la calomnie, calomnier des gens. Donc ces deux-là étaient châtiés dans leur tombe. Et d'autres preuves, d'accord, d'autres preuves, il y en a plein d'autres par rapport à ça. Amma al-his, par rapport au fait réel, il dit par exemple que celui qui dort voit dans son rêve qu'il est dans un lieu par exemple large, vaste, dans lequel il trouve des plaisirs. Ou le contraire, dans un lieu étroit et sombre, même qu'il en souffre, qu'il en ressent la douleur, à tel point qu'il s'en réveille. Cela le réveille. Et tout cela alors qu'il est dans son lit, allongé dans son lit, dans sa chambre, dans sa maison. Et le sommeil était appelé le frère de la mort. An-nawmu akhul maut. Li'adha Allahu sammahu wafa. C'est pour ça que Allah l'a appelé la mort, le décès, yani le sommeil. Quand Allah Ta'ala, Allah yatawaffa al-anfus hina mawtaha. والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل المسمى. Il y a une dans le sens du verset, lorsque tu dors, Allah il prend ton âme. Et après, s'il veut que tu vives, il te la renvoie, il te la redonne. Et ceux qui veulent qu'il meure, il ne lui renvoie pas son âme. Et il meurt dans son sommeil. D'ailleurs, c'est un doa. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'd ma amatana. Lors du réveil. Louange à celui qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir. Dans le sens de la mort, deuxième mort, la petite mort qui est. Le sommeil. Donc ça c'est l'effet réel, que celui qui rêve dans son lit voit des choses alors qu'il est dans son lit allongé et les gens ne le voient pas, il n'y a que lui qui le voit. Amma al-aql, par rapport à la raison, فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع فربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته ومن رآه على صفته فقد رآه حقا. ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدا عما رأى فإذا كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا أفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة. Donc il dit également que celui qui dort peut voir en rêve un rêve réel, la réalité dans son rêve. Par exemple, celui qui voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son rêve sous sa vraie apparence, c'est comme s'il avait vu en vrai. D'accord ? Et c'est même un signe, une bouchara pour lui. Et malgré cela, il est dans son lit, allongé dans sa chambre. Loin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, il l'a vu en réalité dans son rêve, tel qu'il est. Donc si jamais cela est réel, ou plutôt si jamais cela est possible, dans les situations de ce bas monde, alors qu'on est-il de l'au-delà ? Il dit, quant à leur prétention par contre, si jamais ils avaient déterré la tombe, qu'ils auraient trouvé le mort tel qu'il est et que la tombe n'a pas changé. Il dit, cela également est réfuté. Parmi ces réfutations, on peut dire quoi ? Al-awwalu annahu la yajuzu muwaridatun ma ja'a bi fi shar' bi mithli hadhihi shubuhat ad-dahidha allati law ta'ammala al-mu'aridu biha ma ja'a bi shar' haqq at-ta'ammul la'alima batlan hadhihi shubuhati. Donc il dit premièrement qu'il n'est pas permis justement de contester ce qui est venu dans la législation de façon authentique avec ce genre d'ambiguïté tout à fait absurde. Car si jamais celui qui donc conteste méditer les textes réellement d'une vraie méditation et se rendait compte justement de l'annulation ou du faux de ça, je bohète. Après c'était un VL, des vers, j'ai pas réussi à les pas compris comment traduire ces vers. Également, comment on peut réfuter, il dit أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب ولا تساوى المؤمنون بالغيب والجاهدون في التصديق بها. Donc il dit également ce qui concerne les choses qui touchent au barzakh, le monde intermédiaire, dans la tombe. Cela fait partie des choses de l'invisible, que les sens ne peuvent cerner. Car si c'était le cas, alors là on perdrait tout l'intérêt justement de croire. La foi n'aurait plus d'intérêt. Car c'est quoi le fait de croire, l'imen, de croire en des choses que tu ne vois pas. Donc tu n'aurais plus de différence entre celui qui croit, le mu'min, le croyant, et celui qui réfute. Car beaucoup de gens disent quoi ? Moi je crois que ce que je vois. Alors qu'il y a plein de choses qu'il ne voit pas, il y croit. Des choses qu'on lui dit, il y a ça, mais lui-même par exemple, je ne sais pas, quelqu'un il est malade, les bactéries, les microbes, il ne les voit pas. Scientifiques chez eux qui montent avec un microscope, regarde, regarde, s'il va, ils peuvent le tromper. Ou des choses qu'il ne connaît pas, il dit moi j'y crois, il ne l'a jamais vu. Il lit des choses dans l'histoire, livre d'histoire, il y croit. Alors qu'il n'a même pas de sanad, même pas de chaîne de narration. On lui dit Charlemagne a fait telle chose, Napoléon a fait telle chose, Henri IV a fait telle chose, Louis XIV a fait telle chose, il croit tout ça. On dit, quelle preuve t'as que c'est pas des mensonges? T'en as pas. Par contre, on te dit, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a fait ça, tu crois pas. Et cette chouboette de, je ne crois que ce que je vois, qui en sont les premiers à l'avoir mise en place? On l'a cité aujourd'hui. Non, il prétend, il attribue cela à son disant Saint Thomas, qui disait, moi je crois que ce que je vois. Là, les gens qui ont suivi Isa et Salem, à la base, étaient quoi? Des Banu Israël. Il est envoyé au Banu Israël. Les Banu Israël, ils sont des juifs. On l'a appris tout à l'heure. Le peuple de Moussa, ils ont dit quoi? Ya Moussa, lanoumina laka, hata narara jahratan. C'est ça, la base. Au Moussa, nous ne croirons pas en toi, tant que nous ne verrons pas Allah clairement. Le os, il vient de là. Je crois que ce que je vois, ce verset prouve que c'est les fils d'Israël les premiers à avoir mis cette chouboette. Et le soi-disant Saint Thomas fait partie des bannis d'Israël si jamais il a existé. Car Issa a été envoyé à ces gens-là. S'il a existé, hein, à la colline. Qu'on ne peut justement faire d'analogie entre les choses de l'au-delà sur les choses de ce bas monde. Et il dit troisième façon de réfuter, il dit quoi? Ana al-azab wa al-na'im wa sa'at al-kabr wa daykatih innama yudriku al-mayyit dunu ghayrih. وهذا كما يرى النائم في منامه انه في مكان ضيق موحش او في مكان واسع بهيج وبالنسبه لغيره لم يتغير منامه وهو في حجرته بين فراشه وغطائه. Donc il dit également le châtiment ou le délice de la tombe, qu'elle soit élargie ou rétrécie, cette tombe, cela seul le mort s'en rend compte, pas les vivants. Tout comme le rêve de celui qui rêve. Son rêve, il n'y a que lui qui s'en rend compte. Personne ne sait de quoi il rêve. Personne ne ressent ce qu'il ressent, il ne voit ce qu'il voit à ce moment-là. Qu'il soit un cauchemar ou un rêve. À part ceux qui font des cauchemars, des fois, ils crient, ils bougent. Bah, c'est autre chose, mais sinon, toi, tu ne sais pas ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il ressent? Tu ne le sais pas. Bah, c'est pareil, le mort dans sa tombe, il n'y a que lui qui sait ce qui lui arrive. Donc c'est une chose que tu ne pourras pas voir en allant creuser sa tombe pour la déterrer. Tu ne pourras pas le voir, toi. Ni tu n'entendras, ni tu ne verras rien du tout. Mais si jamais tu n'y crois pas, et que tu meurs là-dessus, wallah que tu le verras. Tu le verras, tu le ressentiras. Et tu diras, ya laytani. Donc celui qui rêve, par rapport aux gens, comment il est tout simplement dans un rêve, mais dans sa chambre, sur son lit, sous sa couverture. Nous, on ne s'en rend pas compte de ce qu'il voit. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation lui venait, Jibril lui venait, alors qu'il était assis au milieu des sahaba, des compagnons. Lui, il entendait le wahi, alors que les gens ne se rendaient compte de rien. Il n'y a que lui qui ressentait la chose. À part des fois des signes, il y avait, il transpirait, il avait comme des spasmes, il tremblait, mais des fois il n'y avait rien. Et le sahaba ne savait même pas que Jibril était là. Il n'y a que lui qui ressentait cela. Donc pour dire que les choses qui touchent à l'invisible, que seule la personne concernée sur le moment s'en rend compte, et pas les autres. Et du quatrième point, إن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه ولا يمكن أن يدركوا كل موجود. Que le fait de cerner, yani le discernement des créatures est une chose limitée. Ils ne peuvent discerner que ce que Allah leur a accordé. On ne peut pas cerner toutes choses. Des choses pour nous, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les comprendre, on ne peut pas les voir. فالسماوات السبع والأرض ومن فيهن وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا يسمعه الله من شاء من خلقه احيانا ومع ذلك هو محجوب عنا وفي ذلك يقول الله تعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن تفقهون تسبيحهم. Par exemple, les sept cieux, ainsi que les terres, et tout ce qu'elles contiennent, et toutes les choses qui glorifient Allah, une glorification au tasbih réelle, que Allah fait entendre à qui il veut de sa création, pas à tout le monde. Et parfois, c'est pour cela que Allah, alors que cela nous est à la base voilé, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'entendre, ces choses-là. C'est pour cela que Allah, dans le sens, il dit que les cieux et la terre le glorifient, et tout ce qu'elles contiennent. Il n'y a aucune chose qui ne le glorifie et qui ne le loue. Cependant, vous ne comprenez pas leur tasbih. Vous ne pouvez pas entendre ni comprendre. Et pareillement, les shayatin, les djab et les djinns, même les anges, d'accord, qui viennent et partent et reviennent et partent, on ne les voit pas. Tout ce qu'ils font comme activité, on ne les voit pas. Par exemple, les djinns sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont écouté le Coran. Et ils se sont dit même taisez-vous. Ensuite ils sont retournés vers leur peuple pour les avertir. Et tout cela nous a été voilé, on ne l'a pas vu. Quand Allah Ta'ala Ya bani Adam layaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannah yanzi'u 'anhumā libāsahumā liyuriyahumā sawātihimā innahu yarākum wa qabīluhum min haythu la tarawnahu inna ja'alnā ash-shayātīna awliyā'a lil-lazīna lā yu'minūn. Il dit au fils d'Adam que le shaitan ne vous éprouve pas comme il a fait sortir vos pères, c'est-à-dire Adam et Hawa, du paradis en leur ôtant leurs vêtements pour leur montrer leur nudité. Et lui, ainsi que sa tribu, vous voit de là où vous pouvez les voir vous. Et nous avons fait des djabs, des shayatin, des alliés pour ceux qui ne croient pas. Le shayatin, hum awliya al-kafirin. فقال واذا كان الخالق لا يدرك كل موجود فانه لا يجوز ان ينكر ما ثبت من امور الغيب ولا يدركوها يكرهوا نصيها ولا يدركوها. Donc il dit, si jamais on ne peut tous aller dans la création nous-mêmes, car notre création à nous-mêmes est limitée, des choses qui sont présentes on peut les voir, on ne parle même pas de choses de l'invisible, des choses présentes qui existent on ne peut les voir, alors il n'est pas permis de rejeter les choses de l'invisible. D'accord ? Ce qui est présent, tu ne peux le voir. Alors qu'en est-il ce que tu ne peux pas voir ? Azakosdo. Naam. Donc là, on a fini ce qui concerne Al-Iman Biyom Al-Akhir. Waraden, demain, Inch'Allah, ça n'introuve fi Al-Iman Bil-Qadar. La foi en destin. Naam. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.